Suite aux dégâts causés en 1866 et 1867 sur plusieurs navires et imputés à un monstre marin, sans doute un narwal ou licorne de mer, muni d'un long éperon torsadé, une expédition américaine prend en chasse le supposé animal. De passage à New York, M. Aronnax, 40 ans, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, se joint à l'expédition dirigée par le commandant Farragut sur l'Abraham Lincoln. Le professeur est accompagné de Conseil, son domestique, apte à tout service, âgé de 30 ans, féru de classification en histoire naturelle. Le professeur est le narrateur. Doté de tous les engins possibles de chasse, l'Abraham Lincoln a embarqué aussi avec lui Ned Land, un harponneur québécois de 40 ans, d'une habileté manuelle peu commune. Après avoir longé l'Atlantique et doublé le Cap Nord, la frégate remonte le Pacifique vers le nord. Les recherches étant vaines, le commandant de la frégate fixe une date butoir, le 5 novembre, pour abandonner l'expédition. Mais ce jour-là précisément, Ned Land s'écria: « Ohé, la chose en question, sous le vent, par le travers à nous !»